À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, le journal russe Komsomolskaya Pravda et les homepages internet du Comité national du jury d'études du kimilsonisme Kim Jong-un et du Forum allemand anti-impérialiste ont donné des articles dénonçant les crimes de guerre commis par les États-Unis en Corée.